Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de Louise Bourgeois. De son nom complet, Louise Joséphine Bourgeois est une plasticienne et sculptrice française. À la fin de sa vie, elle a une renommée internationale. Elle est née le 25 décembre 1911 à Paris et a fini sa vie le 31 mai 2010 à Manhattan, à New York. Dans sa carrière d'artiste, Louise Bourgeois a été exposée dans divers musées internationaux, comme le Museum of Modern Art ou encore le Modern Arts Oxford. Louise Bourgeois a fait l'École nationale supérieure des beaux-arts ainsi que l'École du Louvre. Elle perd sa mère alors qu'elle n'est âgée que de 21 ans. Elle tente alors de mettre fin à ses jours devant son père qui l'a secourue. Plusieurs courants artistiques l'attirent, à l'instar du surréalisme ou encore de l'art féministe. Engagée, Louise Bourgeois exprime ses problématiques existentielles dans son œuvre. Elle dit d'ailleurs que l'art est une garantie de la santé mentale. Maintenant, je vais vous parler d'une de ses œuvres les plus connues qui s'intitule « Maman ». C'est une œuvre qu'elle a réalisée en 1999. Il s'agit d'une sculpture représentant une araignée comportant un sac contenant 26 œufs. C'est la seule qui a été réalisée en acier inoxydable. Elle a été exposée pour la première fois à l'intérieur de la Tate à Londres. C'est une œuvre qui fait partie d'une série d'œuvres intitulée « Spider ». Il y a donc plusieurs araignées géantes installées temporairement dans le monde, comme à Paris, Tokyo, New York ou encore San Francisco. Mais l'original est désormais à Ottawa, au Canada. Cette œuvre est une ronde bosse, c'est-à-dire que nous pouvons tourner tout autour de la sculpture. Il n'y a pas de socle, l'araignée est comme posée directement sur le sol. L'absence de socle la rend plus proche, plus réelle, plus menaçante aussi, pour le spectateur qui peut circuler entre ses pattes. Nous allons désormais analyser ce que l'artiste a voulu exprimer à travers son œuvre. Les intentions de l'artiste étaient de faire une ode à sa mère, c'est-à-dire que Louise Bourgeois voulait célébrer sa mère à travers cette œuvre. L'araignée est un animal ambivalent qui a toujours été une figure positive pour l'artiste, qui symbolise sa mère, car sur l'un de ses dessins, Louise Bourgeois a expliqué, selon ses propres dires, « Ma meilleure amie était ma mère, et qu'elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme ma mère. C'est donc un hommage à sa mère. On peut aussi interpréter comme un clin d'œil à la profession de ses parents, qui étaient tapissiers, car l'araignée tisse sa toile de la même manière que sa mère tissait lorsqu'elle restaurait des tapisseries. Maman peut aussi être interprétée de façon ambiguë, comme Louise Bourgeois aime le faire, car l'araignée peut également être conçue comme un animal menaçant qui serait prêt à emprisonner ses victimes dans sa toile. Pour conclure, le travail de Louise Bourgeois est reconnu tardivement, mais elle est considérée comme une artiste particulièrement influente sur les générations d'artistes ultérieures, surtout féminines. Louise Bourgeois est donc une grande plasticienne du XXe siècle. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera centré sur les nouvelles techniques artistiques de nos jours. D'ici là, portez-vous bien !